Amen. Et j'espère que vous savez comment vivre dans l'esprit, c'est quand tu vois le Christ. If you can see Christ, you are no longer here. Aber wenn du Christus sehen kannst, bist du nicht mehr von hier. Parce que quand tu vois le Christ, tu n'es pas ici, tu es en esprit. Und im Geist sind wir nicht, indem wir im Schneidersitz sitzen und keine Ahnung, irgendwelche Kerzen anzünden oder fasten, sondern es ist Christus allein. Erinnere dich an Christus, an das fertige Werk. Tu es en esprit quand tu es en train de te rappeler de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Und damit lässt du den Heiligen Geist los, damit er für dich arbeiten kann. Et c'est comme ça que tu libères le Saint-Esprit pour... pour travailler pour toi, c'est comme ça que tu, quand tu crois en Jésus-Christ, c'est comme ça que tu es en dans l'esprit, le Saint-Esprit fait le reste. Verse 6 again, he said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed are those that are not offended when I correct them. How I correct them. Sind die, die keinen Anschluss daran nehmen, wenn ich sie belehre. Et verset 6, heureux celui qui je ne serai, qui n'est pas offensé à cause de mes corrections. We use all your hands on Satan. Wir benutzen, that's why we correct all the time. Wir werden den Satan sozusagen only space for him. Hochnehmen. Also wir werden ihn nicht, wir werden nicht mit ihm sachte umgehen. Wir geben ihm keine Zeit, sein Werk zu verbringen in unserem Leben oder im Leben unserer Geschwister. Mm-hmm. Amen. Et c'est pour cela, quand on est avec notre correction, on va pas se corriger l'un et l'autre, on va pas utiliser une main tendre envers le diable. On va être toujours à pointe de puissance ou bien même un peu plus dur parce qu'on sait que le diable est en train de détruire nos frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas toujours... oui, c'est comme ça qu'on doit... avec le diable. Amen. Amen. You know, for those that are complaining that we correct too much, don't worry. Before you know it, you will not be like us. If you continue with Christ, you will not be somebody else. You will be like us. Belehren, weil wenn du dich weiterhin auf Christus konzentrierst, eh du dich versiehst, wirst du so wie wir sein. Pour ceux qui pensent que nous on corrige beaucoup, on est si dur, on est vraiment trop strict là. Ne t'inquiète pas parce que c'est une question du temps jusqu'à ce que tu deviens comme nous parce que tu es en train de choisir la même voie que nous. Amen. You remember Paul when he was Saul? Amen. He was in suit to kill Stephen, and later he was, people started pursuing him also. Amen. You know that he's complaining. We correct too much. Before you know it, people will be saying you correct too much. Als Saulus war er dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Ne? Und als er dann Christus erkannt hat und von ihm erneuert wurde, war er der Gejagte. Er konnte dann nachvollziehen, weshalb man gesteinigt wird für Christus oder weshalb man sich steinigen lässt für Christus. On voit ça à l'exemple de Paul quand il était encore Saül. Il était entré, il ne comprenait pas comment... Étienne était là pour Jésus-Christ, était en train de suivre Jésus-Christ comme ça. Mais quand lui-même, il a même vu comment on a lapidé Étienne parce qu'il disait que ben, celui-là n'est pas normal. Mais quand lui-même, il a été surpris ou bien il a accepté Jésus-Christ, lui-même il était devenu comme Étienne à la fin. Et c'est comme ça aussi avec les gens qui sont avec nous, qui disent que mais toi, tu vous êtes trop radicaux. Mais oui, suivez l'éternel Jésus-Christ, tu vas voir que... Tu n'auras même pas le choix, tu vas être surpris que tu es devenu aussi comme nous. Toi-même, tu seras même plus radical que nous. Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Amen. Neither give place to the devil. Are you getting it? Don't allow his lies to just go like that. Lass nicht zu, dass seine Lügen einfach Platz und Raum kriegen, um sich zu vervielfachen und zu vergrößern. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne cache pas sur votre colère. Et c'est pour cela, moi, j'ai appris de toujours corriger. Praise the Lord. Und deswegen belehren wir ständig. Amen. You can see why we correct all the time. We do. Everyone here is telling us that is what is the right thing to do. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Don't give him a breathing space. Give him kein Raum zu atmen. This lies. This religious, the religion. You know, the lies that they are spreading everywhere. That they have been taught into people. We are taught force them out of them. Wir müssen ihm wirklich die Kehle abschnüren. Wir dürfen halt nicht zulassen, dass er irgendwelche einen Raum hat zu atmen. Et puis verset 27, il nous dit que et ne donnez pas accès au diable. Et c'est pour cela on veut pas donner de l'accès au diable. C'est pour cela on corrige directement parce qu'on sait que il est rusé le diable. Il veut toujours avoir une opportunité à être à au milieu de nous. Et c'est pour cela on doit vraiment être vite à corriger. Praise the Lord. Amen. How to have your desires? Submit everything to Christ. Wie wir unsere Wünsche haben, ist indem wir alles Christus übergeben. Comment avoir ton désir? C'est quand tu es en train de soumettre tout au Christ. Those things you desire. Die Dinge, die wir uns wünschen. Les choses que tu désires. You will have them. Du wirst sie zu seiner Zeit haben. Tu vas les avoir à son temps. Amen. And you also need all for you. He wants you to have all. Und er will, dass wir alles haben. Et lui-même, l'Éternel, il veut que tu puisses avoir tout. But he need all from you. Aber er braucht alles von dir. Mais il veut tout de toi. So that he can give you. Damit er dir alles geben kann. Pour qu'il puisse te donner Amen. Tout. Is somebody getting it? Amen. The Bible says you must have them. It did not say you will not have them. Die Bibel sagt, du wirst das alles haben. La Bible dit que tu vas tous les avoir. Amen. In Mark 10, he says you must. It is a must. Das ist ein Muss. La Bible, Marc 10 nous dit que tu dois les avoir. Tu vas les avoir. Go there, please. Marc 10. On va le voir. Marc 10. Praise the Lord. Amen. You know, here Jesus. You can see God kind of love. How painful it is to the flesh. Wie schmerzhaft ist es für das Fleisch. Markus 10, 21. Marc 10, 21. Tu vas voir comment c'est douloureux l'amour de Jésus. Amen. Christ. That Jesus beholding him loved him. He loved him. The world would not call him love. They would say, die Welt würde es nicht Liebe nennen. Die Welt würde sagen, das ist bösartig, gemein. Marc 10, 21. Jésus ayant regardé les mains et lui dit, I said unto him, one thing thou lackest, go and sell off. Whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. He did not say he did not have anything. Those that have a lot of things, they are in problem. Et c'est pour cela l'Éternel a dit à ce garçon ici, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et tu vois que les gens qui ont vraiment beaucoup des choses comme cet homme riche, ils ont du mal à suivre Jésus-Christ parce que ils ont vraiment, oui, ils sont vraiment attachés à leurs biens. Praise the Lord. In verse 28, then Peter began to say, we have given all to you. We left them because of you. We gave you all. Sagt Petrus, wir haben dir alles übergeben wegen dir. Et c'est pour cela Pierre a dit que mais nous on t'a déjà tout donné. Without Christ they will still be there. Then we left all. Und dich wir alles noch da, wir haben alles zurückgelassen für dich. Il dit que sans toi tout on allait encore avoir tout posséder, mais à cause de toi on a tout laissé. Jesus said once you leave all. You have them. Aber Jesus sagt, wenn du alles verlässt, hast du alles. Mais Jésus-Christ dit que dès que tu as tout laissé, tu Amen. As tout. Amen. That's verse 29 and 30, please. Amen. Ça, c'est verset 29 à 30. In fact, with him, you already have all. Und mit ihm haben wir ja schon alles. Et avec Jésus-Christ, on a déjà tout. But not as the flesh desire. I want you to have them. Aber nicht so wie das Fleisch es möchte, nicht so wie das Fleisch es will. Il veut que tu puisses avoir les histoires là, mais pas comme la chair veut que tu puisses l'avoir. It will not be how he desires and want them for you. So, c'est so wie er es will. Il veut que tu puisses les avoir à travers lui-même, à travers sa propre manière. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your father wants everything for you. Dein Vater what will alles you want für dich, for yourself. Was du für dich selbst möchtest. Et ce que toi tu veux pour toi-même, ton père le veut encore de plus pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, whatever you desire, He desired it for you. Was immer du dir wünschst, er wünscht sich das für dich. N'importe ce que tu désires, l'Éternel se désire ça aussi pour toi. But you must first of all surrender them to Him so that He can give them back to you. Aber du musst es ihm erstmal übergeben, damit er dir das zurückgeben kann. N'importe ce que tu veux, l'Éternel le veut encore de plus pour toi. Mais toi d'abord, tu dois tout le soumettre à l'Éternel pour qu'il puisse te le donner à sa propre manière. Moses wrote. Beispielsweise der Stab. We wanted Moses to have that rod. But Moses had to submit that rod to Him before it can become Moses. That rod can come back to Moses. Gott wollte diesen Stab für Mose, aber Gott, aber Mose musste diesen Stab erstmal abgeben, damit Gott ihm diesen Stab zurück geben kann. Par exemple, le bâton de Moïse. Moïse a dû d'abord soumettre ce bâton à Dieu pour que l'Éternel puisse lui donner un autre bâton surnaturel, le même bâton mais surnaturel. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. He wants you to have those things. Er weiß, diese Dinge hast. Il veut que tu puisses détester ces choses-là. More than you want to have them. Mehr avoir. Als du mehr als du sie haben möchtest. Il veut que tu puisses aimer ces, il veut que tu puisses avoir ces choses plus que tu les aies. But then we all do. Le veux. They will not be his own things. Aber sie werden dann zu seinen eigenen Besitz. Il veut que tu puisses avoir ces choses-là plus que toi-même tu le veux. Parce qu'il veut que tu puisses avoir ça, sein eigenes Besitz. Ja, es wird dann zu seinem eigenen Besitz. Et parce que ça va devenir ses propres biens. And it will not be his own ways. Und es wird auch seine eigene Weise sein. Wie du sie bekommst. Et tu vas les avoir aussi à sa propre manière. It will not be his own time. Ist dann auch seine Zeit. Tu vas les avoir à son propre temps. You see, it will not be his own everything. Sein eigenes alles. C'est son propre tout. Stop bothering yourself about how and when. Deswegen hör auf, dir Gedanken zu machen über das wie und wann. Et c'est pour cela que tu dois arrêter à te préoccuper du quand et du comment. God, that does not belong to you. Denn das ist nicht dein Aufgabengebiet. Das ist für ihn bestimmt. Parce que ce quand et comment, c'est pas ta, c'est pas ton devoir à te demander ces choses-là. C'est praise l'Éternel qui va s'en charger de ça. Mark 4. Marcus 4. Mark 4. Amen. Amen. Proverbs 26. And it says, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, and knoweth not how. Amen. You don't know when, you don't know how. That is not your business. Forget it. Don't bother yourself about how and when. Ne, also mach dir keine Sorgen über das Wann und Wie. Das ist nicht, ne, das gehört nicht zu deinen Aufgaben, sondern es ist seine Aufgabe. Il dit ici, Marc 4, verset 26, il dit que dans le royaume des cieux, il dit que dans le royaume des cieux, quand, c'est comme un homme qui jette de la semence à terre et qui dort où qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc toi tu ne sais pas comment et tu vas voir que la semence a eu des fruits. Amen. Amen. You know, even the old Elijah was not bothered about how and when. Selbst im alten Wann, Elijah hatte sich keine Sorgen gemacht über das Wann und Wie. Et même tu vois dans l'ancien Élie, il ne s'est même pas préoccupé du comment et du quand. Amen. Amen. You know how am I going to be fed? Since there's problem, there was famine in the there was no rain. Amen. How am I going to be fed? Wie soll ich versorgt werden? Am I going to when? How? When is the Lord going to bring that? Since He now said to me, the first place go to the king and don't. When is He going to bring the others? Mm-hmm. That should not be your business. What should be your business is just listen to Him. Be focused on Him. Das sollte nicht deine Aufgabe sein, wie und wann die Sachen passieren. Beispielsweise im Beispiel von Elijah, dass Er wusste, dass eine Hungersnot im Lande ist und dass ich dachte, wie soll man mich versorgen? Wie soll man das machen, wenn um uns herum überall Leute sterben wegen Essen und Nahrung? Aber das ist nicht seine Aufgabe gewesen. Er hat den Herrn seine Aufgabe machen lassen. Denn der Herr kennt die Zeit. Il y avait beaucoup de problèmes, par exemple, et il se disait, comment je veux faire ceci, comment je veux faire cela. Il ne se disait pas ça, il ne se préoccupait pas, parce qu'il savait qu'il avait l'Éternel à son côté, et il savait que quand l'Éternel va dire que l'Éternel prend soin de lui, et il n'a pas besoin de se préoccuper. Praise the Lord. Hallelujah. Once it's time, you move. Once it's time, you cannot even be quiet. Mm. It's like once you hear lies, you cannot be quiet. Mm. You speak. It's like, are you getting it? Mm. Once it's time, you move. Wenn es an der Zeit ist, wirst du dich bewegen. Nothing can stop you. Und ich kann dich davon abhalten. Avec l'Éternel, dès que c'est le temps que tu puisses bouger, tu vas bouger et rien va t'empêcher de bouger. Et c'est comme ça aussi avec quand on entend des mensonges ou bien on entend les diables parler, là on est toujours directement en train de corriger parce que rien va nous empêcher à dire la vérité. If you allow your focus to be here. Mais quand tu zulässt, dass dein focus auf ihm liegt. Mais ça va seulement se passer si tu permets à l'Éternel à être dans ta concentration. Just like Jesus said in Matthew 10. He said the spirit of my father will speak through you. Mm-hmm. Anywhere you are. Are you getting it? It's not you that speaks, the spirit of the Father. So also, when it's time, the spirit of the Father moves you. Genau wie Jesus gesagt hat, Matthäus 10, dass der Geist des Vaters durch euch sprechen wird zur rechten Zeit. Und genauso wird auch der Geist des Vaters, der Heilige Geist, durch euch gehen, durch euch handeln, wenn es an der Zeit ist zu handeln. Et c'est tout comme Jésus-Christ dit à Matthieu 10, que c'est l'esprit de mon Père qui parle à travers vous. Quand c'est le temps, c'est lui qui va le faire. C'est comme ça que c'est comme ça que ça va se manifester aussi dans notre vie. You know, it's like death. You know, people believe you cannot prevent death. Wie der Tod beispielsweise. Leute glauben, dass man den Tod nicht verhindern kann. C'est comme de la mort. Il y a des gens qui pensent death. Tod. Et ce sont il y a des gens qui sont en train de penser que tu peux pas provenir de la mort. Once death comes, you must obey. Wenn der Tod kommt, muss man ihm gehorchen. Das ist das, was Leute glauben. Les gens pensent que dès que la mort vient, tu dois obéir. For us, when the Holy Ghost speaks, we obey. Bei uns ist es der Heilige Geist. Wenn er spricht, dann handeln wir. We obey the voice of life. Wir gehorchen nicht der Stimme des Todes, wir gehorchen der Stimme des Lebens, nämlich Christus. Et nous, on est toujours en train d'obéir la voix de l'Éternel, la voix du Christ, et c'est pas la voix de la mort qui va nous influencer. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, my sheep hear my voice. We hear the voice of Christ and not the voice of death. Meine Schafe hören meine Stimme, wir hören die Stimme von Leben und nicht vom Tod. Et c'est pour cela Jésus-Christ dit que mes brebis, ils sont en train d'écouter ma voix. Et c'est comme ça que nous aussi, on sait qu'on est en train d'écouter la voix de Jésus-Christ et on ne doit pas écouter la voix de la mort. Death hates the blood of Jesus. Der Tod hasst das Blut von Jesus. La mort déteste le sang de Jésus-Christ. Remember Moses, that blood on the pole in the front house, amen. Mm-hmm. The blood of the animal. We have the blood. You know, when death was coming, the death had to dodge it. Mm-hmm. If not, amen. That can see that you have to go. No need to don't go there. Amen. Because the blood of Christ is greater than anything. Ja, als die Kinder Israels das Blut vom Lamm an ihre Türpfosten geschmiert haben, ist der Tod an ihren Häusern vorbeigezogen, weil der Tod das Blut meidet, das Blut hasst. No, und deswegen, weil es vom Blut besiegt wurde. No? Und so ist es auch bei uns, dass wir keine Sorgen machen sollen vor dem Tod, weil wir bedeckt sind von dem Blut von Jesus Christus. Et c'est comme aussi dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël. Donc quand ils ont mis le sang devant leur porte, la mort a passé la porte de ces gens qui avaient le sang dans leur porte. Et c'est comme ça aussi avec nous, les enfants de Jésus, de Dieu. On ne doit pas avoir peur parce qu'on est vraiment, on est rempli du sang de Jésus-Christ, de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est pour cela que la mort ne va pas nous voir quand elle est en train de s'y rendre et chercher quelqu'un à tuer. Praise the Lord. Hallelujah. Always remember that Christ is your life. Erinnere dich immer wieder daran, dass Christus dein Leben ist. Rappelle-toi toujours que Jésus-Christ est ta vie. And our life is incorruptible seed. Und dieses Leben ist ein unvergänglicher Same. Et cette vie, c'est un grain incorruptible. Meaning nothing can stop your victory. Das heißt, nichts kann deinen Sieg aufhalten. Ça signifie rien peut stopper ta victoire. Except you. C'est un douzaine. Sauf toi-même. That's why I said you choose. C'est exact, c'est toi entscheider. Et c'est pour cela qu'il dit que c'est toi qui choisis. Our fight is not to fight to have victory. Unser Kampf ist nicht der Kampf darum, Sieg zu erlangen. Notre combat c'est pas d'avoir la victoire. Our fight is the fight to believe. Unser Kampf ist der Kampf zu glauben, dass wir den Sieg schon haben. Mais notre foi, notre bataille, notre, c'est de croire que on a déjà la victoire. Amen. That's the, you know, that fight. It takes the Holy Ghost to fight that fight. Denn es braucht den Heiligen Geist. To believe that you already have diesen Kampf zu kämpfen. Even when you are in pain. Zu glauben, dass wir den Sieg schon haben. Mais nous, on a wo wir zu glauben, dass wir den Sieg schon haben, wo wir voll von Schmerz sind. Mais nous, on doit vraiment combattre de croire que on a Jésus-Christ et on a vraiment qu'on a la victoire. Et ça, ça se fait seulement à travers le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est seulement à travers le Saint-Esprit on est capable à croire, avoir une foi pareille. 1 Timothée 6, verset 12. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. 1 Timothée 3, verset 6. Le bon combat de la foi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The good fight of faith. The good fight, the good fight of faith. Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. That's the fight we fight. We still fight. But the good fight of faith, believing the finished work of Christ. Der gute Kampf des Glaubens. That it is over with Satan and his lies. Dass es vorbei ist mit dem Satan und seinen Lügen. Et il nous recommande ici de combattre le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi, ça signifie que le diable, il est déjà vaincu. Et de ne pas croire à ses mensonges. In Matthew 16, verse 23, Jesus said there's a difference between man and God. In Matthäus steht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gott und den Menschen. Et Matthieu nous dit que il y a une différence entre l'être humain et Dieu. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savourest not the things that be of God, but those things that be of men. There are difference between things of men and things of Christ. Es gibt einen Unterschied zwischen Dingen der Menschen und Dingen von Christus. Mais Jésus retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de l'homme. Et là, tu vois qu'il y a une différence entre les pensées les choses de l'Éternel et de Dieu. Men are religion. De l'homme. Men are religion always fight to have victory. Menschen Religion kämpfen immer darum, Sieg zu haben. For them, they don't have until they have, until they see. Sie haben es erst, wenn sie es sehen können. L'être humain est toujours en train de combattre pour avoir une victoire. Pour eux, ils n'ont pas de victoire. Ils ont qu'une victoire dès qu'ils sont en train de voir quelque chose. If I say victory, I mean all victory. To pass your exam. They fight to pass the exam. Erfolg meine ich den weltlichen Erfolg im Sinne von zu bestehen, zu gewinnen, gewinnen, bestehen. Verdienen. Et quand je dis victoire, je parle de toutes sortes de victoires, genre de passer tes examens, d'avoir un bon rapport à l'hôpital. Fight to be healed. Die kämpfen darum, geheilt zu werden. Oui, d'être guéri. Praise the Lord. Hallelujah. In the kingdom of heaven, it is forbidden to fight to have anything. Im Königreich des Himmels ist es verboten zu kämpfen, um etwas zu kämpfen. Et dans le royaume des cieux, c'est vraiment interdit de combattre d'avoir quelque chose. Men and religion fight to have children, money, mate, and whatever victory to pass the exam to have good report result. In the kingdom of heaven, if you fight. Or fighting to have victory, you are against Christ. Mm-hmm. Wenn du kämpfst, in der Welt ist es normal, dass man um Kinder, Karriere, Geld, Menschen und all diese Sachen, Ehe kämpft. Aber wenn wir um diese Dinge kämpfen, gehören wir zu dieser Welt, nicht zu Christus. Dans le monde, c'est normal de combattre, d'avoir des victoires, d'obtenir des choses. Mais si tu as un combat pareil, là tu n'appartiens pas au Christ. Fighting to have victory means you are against Christ. Den Sieg zu kämpfen bedeutet, dass du gegen Christus bist. Darum kämpfen, no wonder you are not healed. Gesund zu werden bedeutet, dass du gegen Christus kämpfst. Und du wunderst dich, dass du nicht gesund bist. quand tu te bats à avoir une victoire ou bien à être guéri, là tu es contre le Christ. Et c'est pour cela aussi, c'est pas aussi une surprise. C'est pour cela que ça me surprend pas que on n'a pas que tu n'es pas guéri ou bien tu n'as pas ce que tu veux. Amen. The Bible call it the good fight of faith. Good fight of faith. It means because Christ has finished it. Amen. That's why it's good. Es geht um den guten Kampf des Glaubens. Seht ihr, wir kämpfen nicht einen schlechten Kampf, wo es um dich selbst geht und deine Werke. Bei dem guten Kampf ist es ja Christus, der schon gekämpft hat, und deswegen ist es ja ein guter Kampf, weil es nicht um dich geht. La parole de Dieu dit que c'est le bon combat de la foi. Pourquoi le bon combat? Parce que l'Éternel a déjà vaincu. C'est pour cela c'est bon. Mais c'est, il dit pas que c'est un mauvais combat de la foi, parce que le mauvais combat de la foi, c'est quand toi tu penses que tu vas encore l'avoir, tu dois l'obtenir avec tes propres œuvres. Mais non, on parle de le bon combat de la foi. Tu combats de croire qu'il a déjà accompli. In the kingdom of heaven, if you fight or if you are fighting, always fighting to have things, you are saying no to his victory for you. Wenn du im Königreich des Himmels immer wieder darum kämpfst, Dinge zu bekommen, dann verweigerst du seinen Segen, seinen Sieg. So funktioniert das nicht. Dans le royaume des cieux, quand tu te bats à avoir une victoire, ça signifie que tu es contre sa victoire. Tu ne crois pas à la victoire qu'il a déjà fait pour toi. You know, in the natural world, we have been taught to fight to have things. In der natürlichen Welt wurde uns beigebracht, um Dinge zu kämpfen. Dans le monde naturel, on nous a appris à oui, à se battre pour obtenir des choses. And in Christ's world, we are now being taught to believe we already have things. Aber in der Welt von Christus wird uns jetzt beigebracht, zu glauben, dass wir Dinge schon haben. Mais dans le royaume des cieux, il veut qu'on puisse croire qu'on a déjà toutes ces choses-là. John 19, verse 30, Jesus did all and said it is Johannes 19, Vers 30, da steht, dass Jesus alles schon getan hat und es ist vollbracht. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a déjà tout fait et tout a été accompli. Amen. That's John 19, verse 30. Amen. I hope you know this. He said it is finished. Er sagt, es ist vollbracht. Il dit qu'il est tout est déjà accompli. And that is why the kingdom of heaven it's a kingdom of grace. Und deswegen ist das Königreich des Himmels ein Königreich der Gnade. Et c'est pour cela, le royaume des cieux, c'est un royaume de la grâce. It's a kingdom of rest. Ein Königreich der Ruhe. Un royaume de la paix. Amen. Until you rest, you cannot have anything. Wenn du dich ausruhst, because that is the system of the kingdom. It's a rest kingdom. Dann kannst du erlangen, weil es ist ein Königreich des Ruhe. Du musst lernen, dich auszuruhen. Dans le royaume des cieux, tu vas obtenir quelque chose quand tu te reposes. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven that we are born into. Is the kingdom of rest. Das Königreich des Himmels, in das wir hineingeboren worden sind, ist das Königreich der Ruhe. Le royaume des cieux, là où on est né, d'où on est né, c'est un royaume de la paix. Praise the Lord. Ruh dich weiterhin aus. Et c'est pour cela tu John 1:17. Du repos. Et c'est pour cela on doit croire qu'il a déjà tout accompli. Jean 1:17. Amen. Amen. It says for the law was given by Moses. The grace and truth came by Jesus Christ. Mm-hmm. The kingdom of heaven is a kingdom of grace. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich der Gnade. Le royaume des cieux, c'est un royaume de la grâce. And grace means rest. Gnade bedeutet Ruhe. Et la grâce, ça signifie que c'est un repos, c'est la paix. Amen. That's why Matthew 11. Go to Matthew 11. Look at what Jesus said. Matthew 11. Schaut euch an, was Jesus dort sagt. Matthieu 11. On va voir ce que Jésus-Christ a dit ici. Amen. From verse 27. Von Vers 27. Matthieu 11, 27. He said, all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he who to whosoever the Son will reveal him. Amen. Then 28. Come unto me, all you that labor. Amen. This kingdom is a kingdom of rest. Mm. Amen. Königreich, ein Königreich der Ruhe. Le royaume des cieux, c'est le royaume du repos. You have been full of work. You have been full of worries, of problems, of you know, heavily laden, and are heavy laden. And I will give you rest. His kingdom is a kingdom of rest. Son royaume, c'est un royaume de repos. Il dit que venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués. Apprends à te reposer. Praise the Lord. Alléluia. Verse 29 says, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my body is light. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Until you rest, you cannot have what he has for you. Erst wenn wir uns ausruhen, können wir das haben, was er für uns hat. C'est seulement quand tu apprends à te reposer, c'est seulement comme ça que tu vas avoir tout ce qu'il a pour toi. You cannot have anything from him. Wir können nichts von ihm haben. Until you rest. Erst wenn wir uns you need your rest. You want to see your rest. Tu vas seulement obtenir ce qu'il a pour toi quand tu vas te reposer. Tu dois c'est pour cela c'est évident d'apprendre à te reposer. Without believing him, you cannot depend on him. Without depending on him, you cannot rest. Yeah, ohne ihm zu glauben, kannst du dich nicht ausruhen und ohne dich auszuruhen, wirst du ihm nicht glauben können. Sans le croire, tu vas pas te reposer et sans te reposer, tu vas pas croire obtenir ce qu'il a pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 2, please. Matthieu 18, verset 2. Matthieu 18. Matthieu 18, verset. Praise the Lord. Matthieu 18. Let's read from 1, please. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Amen. So now here he's talking about rest. He gets some Ruhe. En ce moment, les disciples s'approchaient vers Jésus-Christ. He said, those that rest, if you are able to rest, then you are the greatest. Wenn du dich ausruhen kannst, gehörst du zu dem Größten. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Somebody getting something. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Verse 2. And Jesus called a little child unto him. And set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. You cannot be inside my kingdom and have what I have for you. Du kannst nicht in meinem Königreich sein und das haben, was ich für euch habe, für dich habe. Et verset 2 nous fait voir qu'il a appelé un petit enfant. Il a dit que vous devrez devenir comme lui avant d'entrer dans mon royaume. Donc ça signifie qu'on doit apprendre à être comme un petit enfant qui se repose seulement. Il ne se fait pas des soucis. Il est toujours en train de se reposer. C'est seulement comme ça que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Allah can see it far away, but they are not inside. Viele können es von weitem sehen, aber sie sind nicht drin. Aber durch die Ruhe, durch das Ausruhen, bist du im Königreich drin. Il y a beaucoup de gens qui sont capables à le voir, hein, le royaume des cieux, mais ils ne sont pas encore entrés dans le royaume des cieux. Mais seulement quand tu apprends à te reposer, c'est là que tu entres dans le royaume des cieux. Jesus is using little children to teach us how to rest. Jesus nutzt kleine Kinder, um uns zu erklären, wie wir ausruhen. Et Jésus-Christ utilise les petits-enfants pour nous apprendre comment se reposer en Christ. They are never bothered about anything. Sie machen sich keine Sorgen um nichts. Eux, ils dorment comme s'ils payent pas des, parce qu'ils dorment, comme s'ils payent pas de factures. Ils se reposent, ils n'ont pas des soucis. For them, it's all about now. Ils ne sont pas hier et maintenant. Eux, ils veulent. Pour eux, il s'agit que de aujourd'hui, de maintenant, la vie à présent. C'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. As I said before, they never worry about the future. Ils ne font pas de soucis sur le futur. They don't know anything about the future. Ils ne savent rien sur le futur. Et eux, ils se reposent parce que ils n'ont pas de soucis du lendemain. Ça ne les intéresse pas. All they can see is their parents. Alles, was sie sehen können, ist, dass ihre Eltern für sie da sind. Dass ihre Eltern für sie da sind jetzt und das reicht. Et c'est pour cela eux c'est qu'ils sont en train de capables de voir que le Christ leurs parents parce que ils savent que leurs parents vont tout payer, ils peuvent se reposer. Praise the Lord. Please learn to rest. Lernt bitte euch ausruhen wie kleine Kinder. Et c'est pour cela on doit apprendre à se reposer comme les petits enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus now talk further. He said verse 4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. He called that humility, to rest is humility. Das, Demut, somebody sich ausruhen, wird Demut. Et c'est pour cela on doit vraiment voir que se reposer, le repos en Christ, c'est aussi comme si on était en train de se humilier. Amen. Mm-hmm. To rest. call it humility. If you are not resting, you are full of pride. Wenn du dich nicht ausruhst, bist du voll von Stolz. Du kämpfst gegen Christus. Et se reposer, c'est vraiment se humilier. Et si tu n'es pas capable à te humilier ou à te reposer, tu es en train de te battre contre le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. How to humble before Christ is by resting. Wie wir uns demütigen vor Christus, ist, indem wir uns ausruhen. Et comment on est en train de s'humilier avant, devant Jésus-Christ, c'est quand on lui croit et on lui fait confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. Verset 5. Amen. How soul shall receive one such little child in my name? Receive me. Those that rest in me. Whoever receives such, receive me. Et chaque personne qui va recevoir un de ces petits enfants comme ça, m'a aussi reposé. To receive. Deswegen suche sie, damit du sie aufnehmen kannst. Et c'est pour cela que tu dois aussi chercher ces enfants-là, ces Amen. Petits, pour le recevoir. Because if you receive them, you receive Christ. Wenn du sie aufnimmst, nimmst du Christus auf. Parce que si tu reçois ces petits enfants, tu as aussi reçu l'Éternel. Amen. Amen. But whoso shall offend one of these little ones because of me, it were better for him that a millstone were hung about his neck and that he were drowned in the depth of the sea. So here to offend those that rest on the Lord. Hast du die zu die ein Anstoß zu sein für die den Herrn gehorchen, sich auf den Herrn ausruhen. Et c'est pour ça que tu dois détester à avoir des problèmes avec les gens qui sont en train de se reposer dans l'Éternel, Jésus-Christ, parce que là tu as aussi un problème avec l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. If you read it to verse 14, you can see it's all about rest. Wenn wir weiterlesen, bis Vers 14 geht es immer. How my Father will look for them wherever they are. Mm. Amen. If there is one or just if he cannot find them, he's looking for them. Es geht dort immer. Amen. You read it all to verse 14. Go and read it yourself. Wenn wir weiterlesen bis 14, talking about you, dann rest on the Lord. Sehen wir, dass es immer um die Leute geht, die sich auf ihn ausruhen und wie der Herr für diese Leute da ist. Et si on voit verset 14, on va voir que il est toujours là pour les gens qui sont en train de se reposer en lui. Il va les chercher, il va toujours être là pour eux. Amen. Jesus came to give us everything here. Jesus kam uns alles hier auf Erden zu geben. Jésus-Christ, il est venu ici sur terre pour nous donner Until tout. Until you believe, you cannot depend on him. Depend on him, you cannot rest. Wir können uns auf ihn verlassen und auf ihn ausruhen. C'est seulement quand tu lui crois que tu peux lui faire confiance. Et quand tu lui fais confiance, là, tu peux dépendre en lui. He needs your rest. Il braucht deine Ruhe. Il a vraiment besoin de ton repos. Value your rest. Il cherche deine Ruhe. Il valorise ton repos. He's hungry of your rest. Hungert nach deiner Ruhe. Il est vraiment affamé de ton repos. You feed him with your rest. Du fütterst ihn mit seiner Ruhe. Tu lui nourris avec ta paix. Yeah, you know how that is how you say I avec love ton you repos. With your rest. Du sagst, dass du ihn liebst mit deiner Ruhe. C'est à travers ton repos que tu dis à l'Éternel Somebody que tu l'aimes. Amen. Praise the Lord. Amen. Remember Matthew 6. Erinnere dich an Matthieu 6. Rappelle-toi à Matthieu 6, verset 25. Everywhere there is talking about God kind of rest. Überall geht es da um Gottes Liebe. Gottes, um dieses Ausruhen in Christus. Là, partout, qu'on va voir qu'il s'agit toujours du repos de Jésus-Christ. Verse 25, look at it. Verset 25. Therefore, I say unto you, take no thought for your life. He's talking about rest. Qu'est-ce qu'il fait en gros, hein? Ici, il s'agit de la paix. Ne te soucie pas du lendemain. Ici, il parle de ton repos. Amen. He wants you to rest. The year is getting to an end. Keep on resting on the Lord. Das Jahr neigt sich langsam an Ende zu. Ruhe dich weiter. Don't be tired of your resting on him. Werde nicht müde von diesem Ausruhen. L'année est en train de finir. Toi, vraiment, apprends à te reposer. Amen. The Luke version of it too. If you go to Luke 12. From 22 to 36. You see, all they are talking about. Everywhere speaking, telling us rest. Just rest. Lucas. Because his kingdom is a kingdom of rest. Mm-hmm. Luke 12, verse 22 to 34. Auch in Lukas sehen wir das Gleiche, wie er das auch wieder sagt, dass wir uns ausruhen sollen. Mm. Même dans Luc, on voit la même chose qui nous dit ici qu'on doit vraiment se reposer en Christ. Amen. Mm. He wants us to stop walking. Wir sollen aufhören zu arbeiten. On doit arrêter de travailler nous-mêmes. What we call walking is worried. Und was er Arbeit nennt, ist Sorgen machen. C'est que Jésus-Christ appelle le travail quand tu es en train de te soucier. He's not going to do our Arbeit or job or whatever, eh? Or pistol. What is it? Snipe. I wanted to say pistol. Praise the Lord. Amen. You know, different places he's not talking about. It's war. You know how to walk in the kingdom of heaven is worries. Once you are worried, you are walking. Wenn wir uns Sorgen machen, dann arbeiten wir. Wir sollen stop it and rest. Damit aufhören. Nicht mit unserer physischen Arbeit, ne, sollen wir aufhören, sondern es geht um die Arbeit, die wir in unseren Herzen haben, durch diese Sorgen, in unsere Gedanken haben, unserer Seele haben, durch diese Sorgen machen. Et quand il dit qu'on doit arrêter de travailler, il ne dit pas notre travail physique, il parle d'un travail spirituel. Tu travailles spirituellement quand tu es en train de te soucier. Là, c'est bizarre. Il ne dit pas qu'on doit arrêter de ne pas partir à HM ou bien à Snipes ou bien de ne plus travailler physiquement ici. Ce n'est pas ça qui parle. Es gibt eine Aufgabe, die wir haben, es gibt eine Aufgabe, die wir eben nicht übernehmen sollen. Il y a un travail qu'il veut qu'on puisse faire, il y a un travail qu'il ne veut pas qu'on puisse faire. The Father have his own work for us, that is to believe Christ, John 6. Der Vater hat seine eigene Aufgabe für uns, das heißt nämlich Christus zu glauben. Et le Père, il a un propre un travail pour nous et ce travail, il s'agit de lui croire. The work he does not want us to work, this work, which means worries. Diese Arbeit, die wir eben nicht tun sollen, ist Sorgen. Et le travail qu'il veut pas qu'on puisse faire, c'est de se faire des soucis, de se faire des oui, beaucoup de pensées, des pensées. Et ça, c'est le diable qui aime ça, mais l'Éternel ne veut pas que tu puisses le faire. Jesus hasst es und der Teufel liebt es aber. Jésus-Christ le déteste, mais Dieu, oui, mais le diable, lui, il aime ça. He knows that once you are worried, it means you are not seeing Christ. You are outside. You are outside grace. You are not seeing the finished work. Yeah. You are blind to it. And he's happy. Jesus hasst es, dass wenn wir uns Sorgen machen, weil wir uns nämlich dann damit, weil wir dem fertigen Werk sozusagen im Rücken kehren. Ne? Und der Satan liebt es aber, weil er ja will, dass wir eben nicht auf das Werk gucken und dass das Werk von Jesus sozusagen keine Bedeutung mehr für uns hat. Le diable, lui, il aime vraiment quand on est en train de se soucier parce qu'il sait qu'on n'est pas capable d'avoir l'œuvre accomplie de l'Éternel. Et Jésus-Christ, là, ça lui attriste parce que il, là, dans ce moment-là, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, cette œuvre qu'il est mort pour toi, c'était comme si c'est comme si c'est en vain. Praise the Lord. From 4 to 7 means rest. Philippiens 4:4-7, ça signifie que c'est un repos. Il parle du repos. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Step to you know, he's telling you rest. For rest on Lord. Ici, il te dit, il te recommande de te réjouir et de te reposer en lui. Amen. Let your moderation be known. Unto all men, the Lord is at hand. Mm. Be careful for nothing. Worries. Amen. Talks about worry. Look at verse 6. Be careful for nothing. Don't worry about anything. Little children. Amen. Amen. They don't worry about, you know, the past, the present, and all these things. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, être comme des petits enfants. Praise the Lord. Amen. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7. J.K., can you help us to read verse 7? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. If you are resting, you will have peace. Wenn du dich ausbist, wirst du Frieden haben. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. And the peace of God, which passeth all understanding, in the midst of all those whatever it is, you are resting. The peace of Christ that no man can understand. Der Frieden von the Christus, nature that man can understand. Den kein Mensch verstehen kann. Der natürliche Mensch kann es nicht verstehen. La paix du Christ que personne ne peut comprendre. Shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even you, if you are in the nature, you cannot even get it. Why am I so happy upon all? Nowhere to lay your head, but you are happy. Nothing seems, nothing is working. Elisabeth, you are so, your joy is overflow. Mm-hmm. Praise the Lord. Wenn du vielleicht wirst du selbst noch nicht mal verstehen, begreifen können, also wie kann ich mich freuen, wenn ich nicht mal einen Schlafplatz habe, wenn ich nicht mal weiß, wie ich morgen eine Rechnung bezahlen soll oder wie ich übermorgen, keine Ahnung, wohin komme. Aber dennoch habe ich die Freude des Herrn und sie sprudelt über. Et tu vois, même ta chair même va pas comprendre ça, le fait que toi tu es vraiment heureux, malgré rien ne marche, rien ne fonctionne, mais toi tu es vraiment, tu vas bien. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Rest and worries, they are opposites. Rest and worries. Ruhe und Sorgen sind Gegensätze. Le repos et des inquiétudes, ce sont deux choses différentes. You cannot be in both places at the same time. Du kannst nicht in der Ruhe von Christus sein und sorgen. Entweder bist du in einem oder im anderen. Tu peux pas être dans la paix de l'Éternel et t'inquiéter. Tu dois vraiment savoir que où tu es en train de t'inquiéter, où tu es dans la paix de l'Éternel. Luke 12, verse 32. Lucas 12, vers 32. Luc 12, verset 32. Amen. Amen. Luke 12, verse 32. Very interesting place. Auch sehr interessant. He said, fear not, little flock, for it is your father's good will. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. He wants you to have those victories more than you want to have them. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Er möchte diesen Sieg mehr haben. Mm-hmm. Ne crains point un petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. He want to see that manifestation more than you. Er will diese Manifestation mehr sehen als du. Il veut voir la manifestation plus que toi. Amen. Amen. His kingdom is our desire. Denn sein Königreich ist unser Wunsch. Son royaume, c'est notre désir. His kingdom is our victory. Sein Königreich ist unser Sieg. Son royaume, c'est notre victoire. His kingdom is our healing. Sein Königreich ist unsere Heilung. Son royaume, c'est notre guérison. His kingdom is our result. Sein Königreich ist unser Ergebnis. Son royaume, c'est notre résultat. It is our result. Es ist unser Ergebnis. C'est notre résultat. It is our report. Es ist unser Bericht. Report from doctor. Unser Arzt. From anywhere. C'est notre rapport, le rapport du docteur. Whatever he has for us, they are all his kingdom. Was immer er für uns hat, ist sein Königreich. Tout ce qu'il a pour nous, c'est son royaume. Amen. Again, verse 32. Look at it again. Fear not, little flock. 32. For it is your father's good pleasure to give you the kingdom. His kingdom is everything for us. Sein Königreich ist alles our für going, uns. Our coming in, they are all his kingdom. Unser ein- und ausgehen ist sein Königreich. Verset 32. They are all his kingdom. Verset 32, ça te fait voir vraiment que ton père, il veut te donner tout, il veut te donner son royaume. Ton départ, ton arrivée, tout ça, c'est son royaume. Amen. Our joy, our peace, they are all his kingdom. Unsere Freude, unser Frieden, sein Königreich, il veut, dass wir das haben. Donc, tout notre paix, notre repos, c'est son royaume. Amen. This very place in John 15, they are the same. Look at John 15. Diese Stelle in Johannes 15. John 15. Gleich. Ce passage, Jean 15, c'est la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 7 and 8. Johannes 15, 7 und 8. Jean 15, 7 et 4. 7 et 8. He said, if you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that you bear fruit. He glorified the Father. His place. He doesn't glorify. It's not you. It's your Father. Es verherrlicht euren Vater. Es gefällt eurem Vater. How to rest. Ça va glorifier notre Père quand on est en train de se reposer. Amen. The result glorify him and not man. Seine Ergebnisse freuen ihm und nicht den Menschen. Et les résultats est en train de glorifier notre Père et pas l'être humain. So don't be worried about any exam or any result. Sie macht dir keine Sorgen über ein Ergebnis oder eine Prüfung. It's irrelevant. It's irrelevant. Know your Father. Et ne sois pas préoccupé d'un examen ou bien d'un rapport parce que c'est irrélevant. C'est pas irrélevant. Tu dois connaître ton Père. Amen. Amen. Please know how to rest on the Lord. Wie man sich auf den Herrn ausruht. Tu dois apprendre à te reposer en l'Éternel. Im Glauben. Et c'est quand tu lui crois. Trust in him. Im Vertrauen. Tu lui fais confiance. Depending on him. Auf ihn allein verlassen. Tu dépends de lui. Then you can rest. Und dann können wir uns ausruhen. Et c'est là Amen. Que tu peux te reposer. Amen. Amen. Allow the Holy Spirit to help you to rest. Lass zu, dass der Heilige Geist dir hilft, wie man sich ausruht. It is one of his jobs. Das ist eine Aufgabe von ihm. Permet à l'Éternel de t'aider à se reposer en lui. Amen. He is there to help you to rest. The command does not know what rest is. Und der Mensch weiß nicht, was Ruhe ist. The fake rest is what they sleep and wake up. They are still full of problems. Ihre falsche Ruhe ist vergeblich. Sie schlafen, stehen wieder auf und die Probleme und Sorgen warten wieder auf sie. Eux, ils sont en train de se leur repos, c'est de dormir, de se réveiller et le problème les attend encore. Amen. Isaiah 28, please. Isaiah 28. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isaiah 28. Oh, we help us to read. Verse 11 and 12. Verse 12. Isaiah 28 and 12. Praise the Lord. Hallelujah. Look at it. Verse 11. It says, for with stammering lips and another tongue will he speak to his people, to these people, to whom he said, this is the rest, wherewith you may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. How to rest. Wie wir uns ausruhen. Comment on va se reposer? Remember the Holy Spirit. Erinnert euch an den Heiligen Geist. Rappelez-vous au Saint-Esprit. Remember Christ. Erinnert euch an Christus. Rappelez-vous au Christ. Lose the Holy Spirit to work for Lass you. Lass der Heilige Geist für dich arbeiten. Délivre le Saint-Esprit à travailler pour toi. Remember the finished work of Christ. That's how to rest. Erinnert euch an das fertige Werk von Christus. Rappelle-toi l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas te reposer. If you say it is finished, it is really finished. Wenn sagt, es ist vollbracht, dann ist es wirklich vollbracht. Quand il dit que c'est accompli, c'est vraiment accompli. Psalm 37 talk about rest a lot. In Psalm 37 geht es sehr viel um die Ruhe. Psalm 37 parle du repos. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 37. One of these psalms I love so much. Oui, là, j'aime bien parce qu'il psaume 37 parce qu'il s'agit vraiment du repos. Amen. Praise the Lord. If we read it, let's just read it from verse 1. Free not yourself because of the evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cast down like the grass and wither as the green herbs. Verse 3, trust in the Lord. Amen. Mm-hmm. And do good. So shall thou dwell in the land. And verily thou shalt be fed. Delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. Commit your way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth your righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Free not yourself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 5 is very important. Commit your way unto the Lord. Verse 5 is very important. Trust also him. Verset 5 est vraiment important. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Mm-hmm. It's not trusting on him to have things. It's trusting on him that you have things. Mm-hmm. Nicht auf ihn vertrauen, Dinge zu haben, sondern auf ihn vertrauen, weil du Dinge hast. Et il ne s'agit pas de lui faire confiance parce que tu vas obtenir quelque chose. Non, parce que tu dois faire confiance parce que tu as déjà, il t'a déjà donné toutes ces choses-là. Remember, we just said that the kingdom of heaven is everything for us. Wir haben eben gesagt, dass das Königreich we are already there. We already have the kingdom of heaven. Wir sind schon da. Amen. Amen. On doit vraiment savoir que le royaume des cieux est déjà là et on a ça déjà ici. You are not trusting on the Lord to have the kingdom of heaven. You are trusting on Him to believe you have the kingdom of heaven. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir das Königreich irgendwann haben, sondern wir vertrauen darauf, dass wir es schon haben. On ne fait pas confiance d'avoir, d'obtenir quelque chose, que le Saint, que le royaume des cieux sera là, mais on sait déjà et on fait confiance que le royaume des cieux est déjà là. You know, verse 4 is also important. It said, delight yourself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Vers 4 ist auch sehr wichtig. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihm, so wird er. Achso, 4. Und 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Il dit, si fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. All your heart desire must surely come to pass. That's what he said. All deine Herzenswünsche werden dann zustande kommen. Il dit tout ce que tu es en train de désirer dans ton cœur, ça va vraiment s'accomplir. Amen. Amen. If we are in pain, we want to get out of that pain. Wenn wir in Schmerzen sind, wollen wir da rauskommen. Quand on a des douleurs, on veut sortir de ces douleurs. We want to get out of living from paycheck to paycheck. Yes, we are talking about manifestation. Von Gehalt zu Gehalt zu leben. On veut pas vivre de facture à facture. On est en train de parler des manifestations ici. Wir reden hier über die Manifestation dieser Dinge. Amen. Amen. Nothing can stop the manifestation. Nichts kann diese Manifestation aufhalten. Il y a rien qui va stopper cette manifestation. If your relationship and fellowship with Christ is forever. Wenn deine Beziehung Gemeinschaft mit Christus für immer ist. Si ta relation est avec l'Éternel c'est pour toujours. No time can stop it. Keine Zeit kann es aufhalten. Le temps ne peut pas no nous stopper. Age can stop it. Kein Alter kann das stoppen. L'âge ne peut pas nous arrêter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No time can stop it. No keine age can Zeit, stop kein it. Kein Alter kann das stoppen. God knows I'm irrelevant before Him. Weil sie irrelevant sind vor Gott. Même l'âge, même le temps ne peut pas le stopper parce que ça n'a pas d'importance devant l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever it is. Was immer es auch ist. N'importe qu'est-ce que c'est. He has His own all for you. Er hat sein eigenes für dich. Il a sa propre pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But drop everything for Him. Aber übergebe ihm alles. Mais tu dois lui donner tout. Lass Amen. Alles für ihn los. Tu dois vraiment le rendre tout. You know, your desire is nothing can change it. I don't know why. You know, because he brought it. Yesterday night, then this morning again. Your desire is like Moses' rod. Moses' rod remained Moses' rod, even after the Lord changed it. Und, I don't know if you get it. It was not another rod. Dein Wunsch, the Lord did not give Moses another rod. It was the same rod. Are you? Is somebody getting it? Dein Wunsch bleibt dein Wunsch genauso wie But der submit Start. That rod to Him. Submit that desire to Him. That desire is still the same. That He wants to return to you, but it's no longer that of the flesh, but of supernatural. Dein Wunsch bleibt dein Wunsch, genauso wie auch der Stab von Mose bleibt, aber es ist nicht mehr natürlich, sondern es kommt übernatürlich zurück zu dir. Ton désir va rester ton désir, tout comme le bâton de Moïse, qui était le même bâton qui est devenu maintenant surnaturel, mais c'était le même bâton à la base. Et c'est comme ça aussi avec ton désir. Quand tu vas soumettre à l'Éternel ton désir, c'est comme ça que ton désir va devenir surnaturel. If you see that rod, then we are of the same rod. Wenn Sie den Stab anschauen, es war der the gleiche. Same rod that Moses dropped. That is the same rod that was doing everything, divided the sea and everything. So also, if you go to, we are in 1 Kings 17. Wir waren in 1. Könige 17. On était dans 1 Roi 17. You know, he did not give that woman another food. It was the same diese food. Mm-hmm. But Essen that food did not end. I mean, yeah. Es war das gleiche Essen, wie das Essen zu Ende gegangen. There was no end to it. Et tu vois, on va voir aussi avec ce qu'on venait de lire avec Élie, la dame là avec la farine et de l'huile, qui ça s'est multiplié. C'était pas que Dieu l'a donné une autre farine ou bien une autre huile. Non, c'était seulement la même huile là qui a commencé à se multiplier. The little boy meal that fed thousands. That little boy meal did not change. Mm. It was still the little boy's meal. Mm. I don't know. If it was. Swallow. It was still swallow. Okay, let me not use swallow. If it was puri, it was still puri. Are you getting it? The little boy's meal, that with the two fish and five loaves, And he did not change it to Pandadian. But it was still two fish and five loaves that he used to feed them. I hope you have tried, you are seeing what I'm drawing out. Whatever you desire, you surrender it to him and he gives it back to you. Speise von diesem kleinen Jungen war, nachdem sie vervielfacht wurde und tausende von Menschen satt gemacht hat, war es immer noch die gleiche Speise von dem Jungen. Es war nicht auf einmal ein anderes Gericht. Es war nicht auf einmal, keine Ahnung, Rindfleisch und Pizza. Sondern es war immer noch Brot und Fisch. Ne? Es war immer noch das Gleiche, nur es war dann übernatürlich, weil es von Christus kam. Amen. Et tu peux voir que les deux poissons et les cinq pains de ce petit garçon-là, ça c'était pas devenu la pizza ou bien le cochon, le porc, je sais pas quoi, ou bien du riz. Non, c'était le même deux pains et cinq, deux poissons et cinq pains-là qui s'est seulement multiplié. Et parce que le garçon a donné ça à Jésus-Christ. C'est comme ça aussi que c'est la même chose qu'il veut de toi, que ton vœu, ton désir, que tu puisses lui donner. Il va te le donner en retour, mais surnaturellement. Amen. So also is any of your desire. So ist auch jegliche Art von deinen Wünschen. Sie verändern sich nicht. Et c'est comme ça aussi avec tes désirs. Ton désir ne va pas changer en fait. C'est pas que tu as un désir et il te donne un autre. Non, c'est le même désir que tu lui donnes et il te le redonne. Except if you want to change. They never change except you want to change. Sie ändern sich nicht, sondern du willst, dass es sich ändert. Ça va pas changer, sauf si toi tu veux que ça change. Là, il va aussi changer ton désir. If you desire a house, you submit that house to Christ. That house belongs to you. Wenn du dieses Haus möchtest, dann übergebe dieses Haus Christus, dann wird dieses Haus auch dir gehören. Si tu veux une maison, par exemple, et tu soumets cette maison-là à l'Éternel, cette maison-là, ça t'appartient. Our desire was having a ministry house and God's children as a family has been from the beginning, since our relationship with Christ started. Also seitdem unsere Beziehung mit Christus angefangen hat, hatten wir immer den Wunsch, dass wir ein großes Gemeindehaus haben, wo wir mit Kindern Gottes zusammenleben. Depuis qu'on a notre relation avec l'Éternel, on a toujours désiré d'avoir une grande maison où les enfants de Dieu peuvent aussi vivre avec nous. Amen. The ministry house in Lagos. Whatever you desire, you already have them as far as your relationship with Christ continue. Was immer du dir wünschst, solange du eine Beziehung mit Christus Jesus hast in der Wahrheit, gehört es dir schon. Et n'importe quel désir que tu as, si tu le soumets à la main de Dieu, si tu continues à la voie de l'Éternel, ça t'appartient. It's like if you are going to, I know how we are very well. Amen. You know, the first day of your work day, the whole month, it's as if you have even received the money. Because you know they will pay you if you work all through the month. Depends on your cooperation with them. So also is our cooperation with Christ. If we do not reject him, ignore him, if we allow our focus to be him, it's impossible not to have your desire. Genauso wie wenn du den ersten Monat bei H&M beispielsweise arbeitest, im Einzelhandel arbeitest, arbeitest du da mit vollem Elan, weil du halt auch weißt, was auf dich zukommt. Du vertraust darauf, dass das, was du unterschrieben hast, Geld und dass du dann am Ende des Monats dein erstes Gehalt bekommst. Weil du, wenn du der Voraussetzung, wenn du die Voraussetzung erfüllst, genau. Und so ist es auch in Christus. Et par exemple, H&M, quand tu pars là-bas, les gens, tu vas partir travailler là-bas, quand tu commences, tu sais déjà qu'à la fin du mois, tu fais confiance qu'on va te donner ton salaire. Non? Amen. Amen. You have your guarantee in working in wherever you are working that they are going to give you. Du hast deine Garantie, dass du immer wieder arbeitest, dass da people have different guarantees. Ich werde bezahlt und Leute haben unterschiedliche Garantien. Tu as un contrat avec eux et tu sais que n'importe comment je vais travailler là-bas, vu que j'ai un contrat avec eux, on va me donner mon salaire. C'est comme ça aussi qu'on doit être avec Jésus-Christ, en fait. So also our guarantee with Christ Jesus, our relationship with him, our fellowship is with him is our guarantee. Genauso auch unsere Beziehung mit Christus, unsere Gemeinschaft mit ihm ist unsere Garantie. Et c'est aussi comme ça avec Jésus-Christ, notre assemblée avec lui, avec l'un et l'autre, c'est ça aussi notre garantie. We will not leave him, we will not forsake him. Wir werden nicht verlassen und zurücklassen. Notre relation aussi. Und im Stich lassen. Et notre relation avec lui, ça va être aussi, c'est aussi notre garantie. Et on doit savoir que lui, il va jamais nous abandonner. Praise the Lord. Hallelujah. I will quickly talk about the ministry house in Nigeria. Amen. Ich werde auch noch kurz über das Gemeindehaus in Lagos sprechen. Et je vais vous expliquer ce qui concerne notre maison de l'église de Nigeria.